dia mah heyo kima huli mah dia dumbe aluma puma sima le mine dibeo kima le au dibea abra fi kuna mah de kuma dia kuma kuma ke le Bailar.